Je voudrais vous montrer de nouveau, très rapidement, qu'à chaque fois que vous voulez utiliser « il » au pluriel, vous devez penser tout de suite à la forme qui va vous servir de point de départ pour ce « il ». Et cette forme, c'est le « je », d'accord ? Donc, si vous voulez dire par exemple « ils ne peuvent pas le faire », vous direz « Non possono farlo ». « Non possono farlo ». Très bien. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de vous demander comment on dit « ils peuvent », ni de passer par toute la conjugaison. « Je peux »,« tu peux »,« il peut », »,« nous pouvons », »,« vous pouvez », jusqu'à « ils peuvent ». Il suffit que vous pensiez à « je peux »,« posso », et vous avez tout de suite « ils peuvent ». « Possono ». Vous allez procéder de la même façon pour dire « ils ne veulent pas le faire comme ça ». Non vogliono farlo così. Parfait. Non vogliono farlo così. Très bien. Et maintenant dites ils ne me le disent pas. Non me lo dicono. Non me lo dicono. C'est ça. Comment diriez-vous ils ne le comprennent pas? Non lo capiscono. Non lo capiscono. Tout à fait. La seule exception à cette règle du je qui donne il, à part les quelques verbes dont nous avons déjà parlé, hanno, fanno, danno, etc., ce sont les verbes en are. Prenons par exemple parlare, parler. Si vous voulez dire il parle avec il au pluriel, qu'est-ce que ça devrait donner si on utilise la règle du jeu? Parlono. Ça devrait effectivement être parlono. Mais en fait, c'est parlano. Parlano. Parlano, oui. Donc, avec les verbes en are, quel que soit le verbe, on ne part pas du jeu, de parlo dans notre exemple, pour former la troisième personne du pluriel, le il avec un s. Avec les verbes en are, c'est le il au singulier qui nous aide à trouver le il au pluriel. Comme il parle au singulier se dit parla, il parle au pluriel ne se dit pas parlono, mais parlano. De la même façon, si vous vouliez dire il mange au pluriel, vous diriez mangiano. Mangiano, c'est ça. Par contre, ils le vendent, se dit lo vendono. Lo vendono, bien. Et il ne le voit pas, toujours avec un il au pluriel. Non lo vedono. Non lo vedono, oui. Et ils finissent finiscono. Finiscono, c'est ça. Comment diriez-vous « ils ne le connaissent pas » ? Rappelez-moi d'abord comment on dit « connaître ». Conosco. Conosco, c'est « je connais ». L'infinitif « connaître », c'est « conoscere ». Et donc « je le connais » donnera « conosco ». « Je le connais ». « Lo conosco ». « Lo conosco ». Et « ils ne le connaissent pas » Non lo conoscono. Non lo conoscono. Bien. Alors, voilà. Nous avons vu comment on obtient la forme qui correspond à il au pluriel. Maintenant, pour voi, c'est-à-dire vous, vous tous, le point de départ, c'est l'infinitif, puisqu'il suffit de remplacer le R de cet infinitif par un T. Donc, ça donne soit ate, soit ete, soit ite. D'accord? Oui. Si vous voulez dire, par exemple, à quelle heure partez-vous, en vous adressant à plusieurs personnes, à la forme voi, a che ora partite? C'est ça. A che ora partite? Partire, partite. Et à quelle heure partent-ils? Comment dites-vous ça? A che ora partono? A che ora partono? Oui, c'est ça. Comment dit-on devoir, le verbe devoir? Dovere. Dovere. Mm-hmm. Et je dois? Devo. Devo, oui. Dites-moi maintenant, ils doivent partir bientôt. Devono partir. Partire. Bientôt. Presto. Devono partire presto. Donc pour dire ils doivent, on part de devo pour arriver à devono. D'accord? Et pour voi, comment fait-on? Dites par exemple, vous devez me le dire. Dovite dirmelo. Quel est l'infinitif? Devoir. Dovere. Eh oui, c'est dovere et non pas dovire. Ah, alors c'est dovete, dovete dirmelo. C'est dovete, oui. Donc vous voyez que pour voi, on part de l'infinitif. Dovere, dovete. Par contre, pour ils doivent, il faut penser tout de suite au je. Comment dit-on ils doivent? Devono. C'est ça. On passe de devo à devono. Pour avere, vous savez comment on dit j'ai, bien sûr. Oh. Oh, oui. Et pour dire ils ont, au lieu de hanno, c'est hanno. Oui, c'est ça. Hanno. Parce que avere, tout comme sapere, fare ou stare, fait partie du groupe de verbes irréguliers pour la formation du il ou elle pluriel. Mais vous avez à la forme voi, c'est avete. Avete, absolument. Parce qu'on part de avere pour arriver à avete. Et comment diriez-vous, vous le faites? Vous le faites à la forme voi? Oui. Farete. Non, pour voi, on part de l'infinitif. Tout à fait. Quel est l'infinitif? Fare. Et donc, vous le faites? Lo fate. Lo fate, bien sûr. Toujours avec voi, comment diriez-vous, pourquoi ne me le dites-vous pas? Perché non me lo dite? C'est ça. Perché non me lo dite? Maintenant, traduisez pourquoi ne me le disent-ils pas? Perché non me lo dicono? Perché non me lo dicono? C'est ça. Perché non me lo dicono?